ciel entre l'air chargé d'énergie. Les pixels scintillent et le monde se plie à son rythme. Comme un battement, chaque mouvement trace sa légende dans l'ombre. Ride Escale avance, regard fixé sur l'écran. Les mondes s'ouvrent et tombent sous son emprise. Les batailles s'alignent, les échos se multiplient. Chaque victoire murmure son nom. Les défis se succèdent, la tension reste. Mais le flot ne faiblit jamais, il persiste. L'énergie monte, les basses enveloppent. Chaque souffle devient une note. Chaque regard un rythme. Rider's Kill guide, sa présence impose. Le monde digital vibre sous ses mouvements. Chaque victoire une mélodie, chaque échec un murmure. Mais jamais le flow ne se brise. Les pixels dansent, le rythme domine. Les yeux rivés à l'écran, l'adrénaline monte. Rider's Kill trace sa route, imposant son style. Chaque action résonne, glamour est puissant. S'accélère mais le calme persiste. Les basses résonnent enveloppant chaque instant. Rider's Kill règne, maître de son univers. S'endort, mais la trace reste. Rider's Kill continue. L'écho de sa présence plane.